الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous continuons dans cette tentative de traduction du livret intitulé وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Adorez Allah et ne lui attribuez aucun associé de son auteur, le noble Cheikh, le défunt Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Avant de continuer, je reviens brièvement sur un point lié au cours dernier, parce que j'ai utilisé l'expression « les législations célestes », le terme présent dans le livre utilisé par le Cheikh est le terme « shara'i'a ». Donc ce qui équivaudrait au terme français « céleste » n'est pas présent. Et je l'avais utilisé dans un souci d'explication. Mais à vrai dire, cela peut prêter à confusion. Naam. Notamment du fait que cette expression-là est reprise par un certain nombre de personnes afin de soutenir le fait que les religions, dans les religions autres que l'islam, dans leur version falsifiée présente actuellement, sont des législations célestes, ce qui bien sûr est faux, et erroné, et mène à de mauvaises conceptions du sujet. Donc il est préférable de supprimer ce terme-là et de garder le terme législation seul, et si on doit l'expliquer, donc de dire les législations des différents prophètes alayhi salam. Nous nous étions arrêtés la fois dernière alors que nous complétions la traduction du passage dans lequel le Cheikh a mis en garde et prévenu contre l'ostentation. Et nous avions notamment vu ensemble qu'elle est de deux types. Et nous en étions arrivés à une parole de Sahl ibn Abdillah al-Tustari, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, expliquant que l'ostentation se présente sous trois formes. Après cela, le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que Sahl, c'est-à-dire Tustari, a également dit, Luqman a dit à son fils, l'ostentation, c'est que tu recherches la récompense de ton œuvre dans ce bas monde, alors que les pieux la recherchent dans l'au-delà. Il lui fut alors dit, c'est-à-dire à Sahl, excusez-moi, il lui fut alors dit à Luqman, quel est donc le remède de l'ostentation? Et il a répondu, c'est que tu dissimules tes œuvres. Puis il lui fut dit, comment dissimuler ses œuvres? Et à ce moment-là, il a dit, c'est que ce dont tu es, ce que tu es obligé d'accomplir devant les gens, ne l'accomplis qu'avec sincérité. Et ce que tu fais devant les gens, tu dois aimer l'idée que seul Allah tabaraka wa ta'ala le sache. Et tout acte dont les gens ont connaissance ne le considère pas comme étant une œuvre valable. Le Cheikh Ahmed de dire en commentaire, le seul fait que les gens prennent connaissance d'une œuvre que tu accomplis ne l'invalide pas. Mais c'est plutôt ce qui réside dans le cœur qui vient l'annuler. Lorsque l'individu aime, avec son cœur, obtenir la récompense précipitée, c'est-à-dire dans ce bas monde. Par contre, si l'individu aime l'idée de voir les gens prendre connaissance de son œuvre afin de le suivre dans cette bonne action-là, alors cela ne fait pas partie de l'ostentation. Bien qu'il est impératif que l'individu qui fait cela prenne garde afin que son âme ne soit pas touchée par cette dernière. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté toute personne qui sentirait cette chose-là en elle vers le fait de dire Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le fait de t'attribuer un associé en connaissance de cause. Et je te demande pardon pour ce dont je n'ai pas le savoir. Tu sais, alors que je ne sais pas, tu es grand savant à propos de tout ce qui nous est caché. Et vers le fait de dire également, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, rabba kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. Ô Allah, créateur des cieux et de la terre, Seigneur et Maître souverain de toutes choses, j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est toi. Je cherche protection auprès de toi contre le mal de ma personne et contre le mal causé par Satan et contre le polythéisme auquel il appelle. Et vers le fait de dire également Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. Ô Allah, inspire-moi à guider et protège-moi du mal de ma personne. Et lorsque le serviteur a recours à ces invocations-là, il est à espérer qu'Allah tabaraka wa ta'ala détourne de lui l'ostentation et qu'il fasse de ses œuvres des œuvres qui sont sincèrement vouées à Allah Ta'ala. Et Allah est plus savant. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, à la suite du verset, « وَبِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Donc nous en arrivons au droit des parents. Soyez bienfaisants envers les parents. Après avoir commandé à ses serviteurs d'observer son droit, subhanahu wa ta'ala, il leur a ordonné d'être bienfaisants envers les parents. Allah tabaraka wa ta'ala a fait prévaloir son droit, étant donné qu'il est le créateur, qui pourvoit largement en subsistance et qui dirige l'ensemble des affaires de sa création. Après quoi, il a commandé d'observer le droit des parents, car il constitue la cause de l'existence de l'individu après Allah tabaraka wa ta'ala. Les parents sont ceux qui ont nourri et éduqué l'enfant alors qu'il était petit et qui ont veillé pour son bien-être durant son enfance. Et à plusieurs reprises, Allah tabaraka wa ta'ala a lié leur droit à son propre droit. Comme c'est le cas dans sa parole, « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Ton Seigneur souverain a décrété que vous ne deviez adorer que lui et être bienfaisant envers les parents. Surat al-Nisa, le verset numéro 36. Surat al-Isra, excusez-moi, le verset 23. De même qu'il a dit dans Surat al-Luqman, verset numéro 14, « Anishkur li wa li walidayk ilayya al-masir » « Sois reconnaissant vis-à-vis de moi et de tes parents, c'est vers moi que se fera le retour. » Et il a également dit dans Sourate An-Nisa, verset numéro 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah et ne lui attribuez aucun associé, soyez bienfaisants vis-à-vis des parents. Et il a plus insisté sur le droit de la mère. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. سورة الأحقاف, le verset numéro 15. Nous avons commandé à l'homme d'être bienfaisant vis-à-vis de ses parents. Sa mère, l'ayant laborieusement portée en supportant peine sur peine, et la grossesse et son sevrage ont duré 30 mois. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Ankabut, verset numéro 8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Nous avons commandé à l'homme de bien se comporter vers ses parents. S'il t'incite à m'attribuer un associé, alors que tu n'as forcément aucun savoir qui légitime cela, ne leur obéis pas. C'est vers moi que vous reviendrez et je vous informerai alors à propos de ce que vous faisiez. De même que dans la sourate Luqman, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait mention des recommandations que Luqman adressa à son fils et de la mise en garde dont il lui fit part visant le polythéisme, Allah jalla wa ala a dit wa idh qala Luqman li ibnihi وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Donc dans les versets 13 à 15, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la traduction approchée du sens de sa parole, et rappelle lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il exhortait, ô mon fils, n'attribue pas d'associé à Allah, car certes le polythéisme est une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu en 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux veulent te forcer à m'associer, dont tu n'as forcément aucune connaissance quant à sa légitimité, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Dans la sunna, il y a de nombreux hadiths qui ont été rapportés exposant le droit des parents, et le fait qu'il est le plus important des droits, après celui d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À titre d'exemple, Al-Bukhari et Muslim ont recueilli un hadith rapporté par Abu Amr al-Shaybani, appelé Sa'd ibn Iyas. Qui a relaté le fait que le chef de cette demeure, en visant par là Ibn Mas'ud, Abdullah, lui a dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, la prière à son heure. Après quoi je lui ai dit, et ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bonté vis-à-vis des parents. Suite à quoi je lui ai dit, et ensuite, et il a répondu, le djihad pour la cause d'Allah. De même que le hadith qui est recueilli par Al-Bukhari et Muslim, après Abu Huraira, qui relate qu'un jour un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, qui est la personne qui mérite le plus que je lui sois de bonne compagnie? Il a répondu, ta mère. Puis il lui a dit, et ensuite? Et il a à nouveau dit, ta mère. Puis il lui a dit, et ensuite? Et il lui a à nouveau dit, ta mère. Après quoi il lui a dit, et ensuite? Il a dit, et ensuite ton père. Et dans une version de ce hadith, puis les personnes qui sont les plus proches de toi. On retrouve également cela dans un hadith rapporté par Bahz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, qui a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, avec qui dois-je être bon? Il a répondu, avec ta mère. Puis je lui ai dit, et ensuite? Et il a répondu, avec ta mère. Puis je lui ai dit, et ensuite? Et il a répondu, avec ta mère. Puis il lui a dit, et ensuite? Et il a répondu, ton père, puis ceux qui sont les plus proches de toi, et ainsi de suite. Et dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, on trouve qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, je détiens des biens et possède des enfants et mon père a besoin de mes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, toi ainsi que tes biens appartenaient à ton père. Quant à vos enfants, ils sont les plus grandes richesses que vous possédez. Utilisez donc des biens réservés à vos enfants. Et ce hadith a été recueilli par Abu Daoud et est doté d'une chaîne de transmission convenable. Et il dispose de plusieurs récits témoins qui le consolide et en compagnie desquels il est considéré comme étant un hadith qui est authentique du fait des nombreuses voix qui viennent le fortifier. Muslim ainsi que At-Tirmidhi ont rapporté d'Abu Huraira radiallahu anhu qu'il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, malgré lui, malgré lui, malgré lui. Il fut alors dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui vises-tu au messager d'Allah? Il a alors dit, celui qui est vivant au moment où au moins un de ses parents a atteint la vieillesse, puis qu'il n'entre pas au paradis. Et on trouve dans le Sunan d'At-Tirmidhi d'après Ibn Amr Ibn al-As radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'agrément du Seigneur réside dans l'agrément du parent et le courroux du Seigneur réside dans le fait que le parent soit courroucé. Et la chaîne de transmission de ce hadith est authentique. Il faut savoir que la récompense de cette piété filiale, de cette bonté vis-à-vis des parents, est précipitée dans ce bas monde, en plus de la récompense à venir dans l'au-delà, et qui est réservée à celui qui est bon avec ses parents. Il est authentiquement rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez chastes, vos femmes seront chastes et soyez bons avec vos parents, vos enfants seront bons avec vous. Après avoir fait mention du droit des parents, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَبِذِي الْقُرْبَى et avec les proches. Allah tabaraka wa ta'ala a fait suivre le droit des parents par le droit des proches en ordonnant à ses serviteurs d'être bienfaisants vis-à-vis des proches avec qui ils ont des liens de parenté. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Muhammad les versets 22-23 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ne risquez-vous pas de vous détourner, de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ceux qui font cela sont maudits par Allah. Il les rend en outre sourds et aveugles. L'imam muslim a recueilli dans son authentique, dans le chapitre de la foi, un hadith rapporté par Abu Ayyub qui a relaté qu'un jour, un bédouin s'est présenté devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en voyage et il a saisi le mort de sa chamelle ou les rênes de sa chamelle. Puis il a dit, ô messager d'Allah, et il a rapporté qu'il aurait dit, ô Mohammed, informe-moi à propos de ce qui va me rapprocher du paradis et m'éloigner de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors arrêté. Puis il a regardé vers ses compagnons et il a dit, celui-là a été bien orienté ou bien guidé. Puis il s'est adressé au bédouin et lui a dit, qu'as-tu dit? Et le bédouin a réitéré les propos qu'il avait tenus en répétant la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, tu adores Allah et ne lui attribues aucun associé. Tu as accompli la prière et tu t'acquittes de la zakat et tu entretiens les liens de parenté. Et maintenant, lâche ma chamelle. Et dans une autre version, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le bédouin s'en est allé, si jamais il se cramponne à ce qui lui a été ordonné, il entrera au paradis. An-Nawawi a dit en commentaire de ce passage que cela signifie d'être bon et bienfaisant vis-à-vis des proches et de ceux avec qui on a des liens de parenté. De la manière qui est facilitée, que ce soit en matière de dépenses, de salutations, de visites, Na'am, ou d'obéissance, ou tout ce qui s'apparenterait à cela, et chacun selon sa situation et selon la situation des proches en question. Le Cheikh Ahmed al-Najmi de dire, il est impératif que l'obéissance mentionnée ici soit restreinte aux limites du convenable, comme l'a restreinte le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de la question du pacte d'allégeance. Et il y a de nombreux hadiths qui sont rapportés dans ce sens. Parmi ces hadiths-là, ce qui a été recueilli par Al-Bukhari dans le chapitre du comportement de son recueil authentique. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les liens de parenté sont-elles une branche issue de la miséricorde? Allah a dit, quiconque entretient tes liens, je maintiendrai mes liens avec lui, et quiconque les rompt, je les romprai avec lui. Jubayr ibn Mut'im a dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Et ce hadith a été recueilli par l'imam Muslim en ces termes. An-Nawawi a expliqué que ce hadith peut avoir deux explications. Et il y a deux sens qui peuvent être attribués à ce hadith. Premièrement, cela viserait celui qui considérerait la rupture des liens de parenté licite, sans raison ni ambiguïté, tout en connaissant son caractère interdit. Celui-là serait mécréant et s'éterniserait en enfer. Allah nous en préserve. Et la deuxième interprétation qui peut être avancée, c'est que ce qui est visé par la négation de l'entrée au paradis, c'est l'entrée immédiate au paradis, dans le sens où celui qui se rendrait coupable de cela n'entrerait pas de suite au paradis, mais verrait son entrée retardée en guise de punition, le temps qu'Allah tabaraka wa ta'ala voudra. Cheikh Najmi de dire, il y a une troisième explication qui peut être donnée, à savoir le fait que cela pourrait viser que celui qui se rend coupable de la rupture des liens de parenté n'entrerait pas dans les hauts jardins du paradis réservés aux croyants pieux, mais n'aurait accès qu'à des jardins correspondant à ses œuvres après avoir été châtié. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Il faut savoir que l'entretien du lien de parenté est une cause d'obtention de large subsistance, de même que c'est une cause de longue existence. Al-Bukhari et Muslim ont recueilli un hadith rapporté par Anas qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque est réjoui à l'idée de voir sa subsistance abonder et son existence allongée, qu'il entretienne ses liens de parenté. Et dans un autre hadith, il est rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'aumône donnée aux proches est, en plus d'être une aumône, un moyen d'entretenir les liens de parenté. Après avoir fait mention du droit des proches, Allah tabaraka wa ta'ala a dit wal-yatama. Il a donc abordé le droit de l'orphelin. Et l'orphelin, c'est celui qui a perdu ses deux parents ou l'un de ses deux parents. Bien que le plus souvent, on vise par là celui qui a perdu son père, étant donné que le père est celui qui prend en charge l'enfant et survient à ses besoins. Allah tabaraka wa ta'ala a incité au fait d'honorer les orphelins et de les prendre en charge. Et il a annoncé qu'une lourde menace pèse sur quiconque serait injuste vis-à-vis d'eux et les priverait de leurs biens. Ou chercherait à les affamer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Balad, verset 14 à 16, « Aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, yatiman dha maqraba, aw miskinan dha matraba. » Ou nourrir un jour de famine, un orphelin proche, parent ou un nécessiteux dans le dénuement. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Ma'un, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Vois-tu celui qui demande l'avènement de la rétribution, c'est bien lui qui repousse l'orphelin et n'incite pas à nourrir le nécessiteux. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate An-Nisa, le verset numéro 10, Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayasluna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans la fournaise. Et il a dit dans la sourate Al-Baqara, le verset numéro 220, Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahun lahum khayr. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Il t'interroge à propos des orphelins. Il dit, leur faire du bien est une bonne action. Et si vous mêlez à eux, alors sachez qu'ils sont vos frères en religion. Et Allah distingue certes celui qui sème la discorde de celui qui cherche la réforme. Et si Allah l'avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est infiniment puissant et sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et celui qui se porte garant de l'orphelin sommes au paradis comme ça. Et c'est un hadith qui est recueilli par Ahmed, Al-Bukhari, Abu Daoud, ainsi que Al-Tirmidhi, d'après Sahl ibn Sa'ad. Aisha radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et celui qui se porte garant de l'orphelin sommes au paradis, de même que celui qui prend à sa charge la veuve et le combattant dans le sentier d'Allah. Après avoir mentionné le droit de l'orphelin, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, wal masakin. Il a donc mentionné le droit des nécessiteux. Sachant que masakin, c'est le pluriel de miskin. Et que Ibn Jarir a expliqué ce terme en disant le nécessiteux est celui qui a été atteint par le rabaissement dû à la pauvreté et au besoin à tel point qu'il est devenu indigent. Et c'est pour cela qu'Allah a dit, mais en application, ce que je vous ai commandé à leur sujet, en étant bienfaisant vis-à-vis d'eux et compatissant, et en vous comportant avec eux convenablement et conformément à mes commandements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith-là, dans ces termes, vient justement expliquer la portée du terme miskin, qu'on a traduit donc par nécessiteux. Le véritable nécessiteux n'est pas celui qui cherche à droite et à gauche et obtient une ou deux bouchées, ou une ou deux dattes. Mais le nécessiteux est plutôt celui qui n'a pas de bien, lui suffisant pour vivre, et dont personne ne soupçonne la pauvreté, auquel cas, on lui ferait part d'aumône. Et il est celui qui ne se lève pas pour demander aux gens. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans la sourate Al-Balad, les versets 11 à 16, « فَلَا قَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَةِ فَكُ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ » Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug. Délier un joug, ça veut dire affranchir un esclave. Nourrir en un jour de famine un orphelin proche, parent, ou un nécessiteux dans le dénuement. Après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit wal jari dil qurba. Et par cela, il a fait mention du droit du voisin proche. C'est-à-dire le voisin qui, en plus de cela, a un lien de parenté avec toi. Et cette explication de l'expression Al-Jar Dhul Qurba a notamment été soutenue par Ali ibn Abi Talha par Mujahid et d'autres parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté. Sachant que le voisin qui en plus de cela compte parmi les proches, dispose de trois droits. Le droit du voisinage, le droit de l'islam, si c'est un musulman, et le droit du parent, du proche. D'ailleurs, après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wal jari al-junub » Al-jari al-junub, c'est le voisin étranger, c'est-à-dire qui n'a pas de lien de parenté avec toi. Comme cela a été soutenu formellement par Mujahid et d'autres parmi les plus prédécesseurs de cette communauté, et c'est notamment rapporté par Ibn Jarir dans son exégèse. Or, la législation islamique a commandé d'être bon vis-à-vis du voisin, en insistant abondamment sur cela. Et parmi les textes qui soutiennent cette chose-là, ce qui a été rapporté, recueilli plutôt par Al-Bukhari et Muslim, comme hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son invité, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Et dans un autre hadith également présent dans les deux recueils authentiques, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril n'a eu de cesse de me commander d'être bon vis-à-vis du voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner une part de l'héritage. » Ce qui est à retenir, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a commandé d'être bienfaisant vis-à-vis des voisins. Et il a insisté sur le droit du voisin qui en plus de cela compte parmi les proches. Sachant que l'on trouve dans un hadith authentique, qui a d'ailleurs été mentionné par Al-Albani dans Sahih al-Jami', que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des compagnons auprès d'Allah est celui qui est le meilleur avec ses voisins. Excusez-moi. Le meilleur des compagnons auprès d'Allah est celui qui est le meilleur dans son comportement avec ses compagnons. Et le meilleur des voisins auprès d'Allah est celui qui se comporte le mieux avec ses voisins. Et le meilleur des voisins auprès d'Allah est celui qui se comporte le mieux avec ses voisins. Et ce hadith a notamment été attribué à Ahmed dans son Musnad, ainsi qu'à Tirmidhi et à Al-Hakim, selon une narration de Abdullah ibn Omar, qu'il attribue au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ Naam, et nous avons vu que الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ ça désigne le voyageur. Mais on va voir qu'en réalité, comme l'explique le Cheikh Ahmed, plus vaste que cela et plus général. As-sahibu bil-jamb. C'est le compagnon de voyage. En réalité, excusez-moi, j'ai dit le voyageur, c'est le compagnon de voyage. As-sahibu bil-jamb, c'est le compagnon de voyage. Et le voyageur, c'est Ibn Sabil, qui va être mentionné par la suite. Mais cela peut également viser le collègue de travail. qui dispose sur toi du droit de la bonne compagnie. Concernant le compagnon de voyage, il dispose sur toi de plusieurs droits. Le fait que tu partages avec lui tes provisions, que tu adoptes avec lui une attitude convenable, que tu sois affable avec lui, courtois, avenant, na'am, et le fait que tu l'incites à accomplir ce qui est convenable, na'am, et que tu condamnes de sa part ce qu'il pourrait commettre de blâmable, avec sagesse et douceur, et que tu t'abstiennes de le trahir, et que tu évites autant que faire se peut tout ce qui pourrait mener à la divergence. Et les ulama ont également inclus dans cela le fait que tu plaisantes avec lui plus que d'habitude, sans bien sûr tomber dans ce qui pourrait provoquer le courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant au droit du collègue de travail, il se manifeste notamment dans le fait que tu dois adopter avec lui également une bonne attitude, que tu dois avoir un visage radieux quand tu le rencontres, et tu dois également fermer les yeux sur ses faux pas, l'inciter à bien agir, le dissuader de mal agir, et t'entraider avec lui dans le cadre de l'obéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il y a un deuxième avis concernant As-sahibu bil-jamb. Certains ulama ont soutenu que cela vise l'épouse. Sachant que l'épouse dispose de certains droits sur son époux, de même que ce dernier dispose de certains droits sur elle. Le droit dont elle dispose sur son époux est qu'il la nourrisse de ce dont il se nourrit, et qu'il la vêtisse lorsqu'il se vêtit, lorsqu'il s'habille, et qu'il ne la frappe pas au visage, et qu'il n'invoque pas contre elle en disant « Qabbahakillah » qu'Allah t'en les dise. Quant au droit dont il dispose sur elle, ils sont multiples, notamment lorsqu'il rentre chez lui. Cela se manifeste notamment dans le fait qu'elle lui prépare à manger, qu'elle lui prépare à boire, qu'elle lave ses habits, qu'elle fasse le ménage, qu'elle s'entretiennent au niveau hygiénique, et qu'également qu'elle s'embellisse pour lui, et qu'elle l'accueille avec un visage radieux. Et lorsqu'il sort de chez lui, c'est qu'elle préserve son honneur, ses biens et ses enfants. Et dans un recueil, et dans un hadith authentique, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de son sermon à Arafat, durant le pèlerinage d'adieu, craignez pieusement Allah dans la manière dont vous vous comportez avec vos femmes et œuvrez conformément avec les commandements édictés par Allah à leur sujet. Car elles sont des aides pour vous dans vos demeures. Vous les avez prises sous la protection d'Allah et rendues licites les relations sexuelles que vous entretenez avec elles en faisant mention de la parole d'Allah, et vous disposez sur elles des droits suivants: qu'elles ne fassent pas entrer chez vous de personnes que vous réprouvez, et si elles le font, corrigez-les sans pour autant les blesser. Et elles disposent sur vous de certains droits en termes de subsistance et de vêtements dans les limites de ce qui est convenable. Suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ibn al-Sabil. Ibn al-Sabil, c'est le voyageur. Et le voyageur qui est visé ici, c'est celui qui n'a pas de provision et qui a besoin de se voir offrir l'hospitalité, qui a besoin d'aide et de soutien. Et après avoir fait mention du droit du voyageur, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Et ceux qui sont en votre possession, Et cela peut aussi bien viser des êtres humains que des animaux. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien se comporter avec ceux que l'on possède fait partie de la foi. Abu Daoud a recueilli dans ses sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui sont en votre possession et qui vous conviennent, nourrissez-les de ceux dont vous vous nourrissez, et vêtissez-les de ceux dont vous vous habillez. Quant à ceux qui ne vous conviennent pas, vendez-les, mais ne châtiez pas les créatures d'Allah. Quant à Muslim, il a recueilli dans son authentique d'après Abu Hurayra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à l'esclave revient son droit de repas et de vêtements, et il ne doit pas être chargé de tâches qu'il ne peut supporter. Al-Qurtubi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les maîtres à se parer de nobles caractères et à être bienfaisants avec leurs esclaves et à être modestes également, afin qu'ils ne considèrent pas qu'ils ont un mérite supérieur à leurs esclaves, car maîtres et esclaves sont au final des serviteurs d'Allah. Et les biens sont les biens qu'Allah octroie. Cependant, Allah a placé certains d'entre eux au service d'autres. Et les a mis à leur disposition, en leur possession, afin de compléter sur eux ses bienfaits et de concrétiser sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc, s'ils les nourrissent, et les vêtissent en quantité et qualité moindre que ceux dont ils jouissent comme nourriture et vêtements, cela leur est permis, à condition qu'ils s'acquittent de leurs devoirs vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, il n'y a pas de divergence à ce sujet. L'imam Muslim a recueilli d'après Abdullah ibn Amr qu'un de ses ouvriers s'est présenté à lui. Ibn Amr lui a alors dit, as-tu nourri les esclaves? Son ouvrier lui a dit non. Il lui a alors dit, va et nourris-les. Car j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dire, en termes de péché, il suffit à l'homme de priver de repas ceux qui sont en sa possession. Quant aux bêtes que l'individu pourrait posséder, il faut savoir qu'il lui est obligatoire de les nourrir. Et de les faire boire selon leurs besoins. Sinon, s'il n'en a pas la capacité, il lui est obligatoire de les vendre s'il trouve un acheteur. Mais dans tous les cas, il lui est interdit de les laisser affamer. Et s'il n'a ni la possibilité de les nourrir et de leur fournir la boisson suffisante, ni la possibilité de les vendre, alors il lui est obligatoire de les libérer, comme les ulama spécialistes du fiqh, selon l'école hanbalite, l'ont soutenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mauvais comportement est source de malheur, alors que bien se comporter avec ceux que l'on possède est source d'augmentation. Entretenir les liens de parenté allonge l'existence et l'aumône repousse la mauvaise mort. Na'am. Et c'est un hadith qui a été recueilli par Ahmed dans son Musnad. Bien que sa chaîne de transmission soit composée de Uthman ibn Zufar, qui est inconnu, et qu'elle soit également composée d'un autre rapporteur inconnu, rapportant de certains rapporteurs issus de la tribu de Banu Rafi'a. D'ailleurs, Al-Albani, Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit de ce hadith qu'il est faible. À la fin du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura » Certes, Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux et vaniteux. Cela vise ceux qui sont imbus de eux-mêmes et qui se vantent auprès des gens de ce qu'Allah leur a donné et se gonflent d'orgueil devant eux. Nous retrouvons également dans cette partie du verset la mention de l'attribut d'Al-Mahabba, qui est un attribut d'essence inhérent à l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est affirmé dans plusieurs passages coraniques à l'égard des croyants, des pieux, de ceux qui sont bienfaisants et à l'égard de ceux qui placent entièrement leur confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle est niée à l'égard de ceux qui sont vaniteux, orgueilleux et qui sèment la corruption sur terre. Il nous est donc obligatoire d'apporter foi en cet attribut, sans chercher le comment, ni chercher à l'annihiler, le nier, ni le déformer, déformer son sens, ou ses termes, ni chercher le comment. Nous apportons plutôt foi en ces attributs-là, conformément à ce qu'implique la langue arabe. Par laquelle Allah s'est adressé à nous dans son livre et par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette méthodologie qui était de vigueur chez les anciens de cette communauté. Et cette méthodologie correspond à la voie des croyants qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre en disant وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui soit clairement apparu, et suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons dans ce vers quoi il s'est détourné, et le jetterons dans la géhenne, et quel mauvais refuge. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Et qu'Allah couvre d'éloges notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons, et qu'il les salue abondamment. Et c'est ainsi donc que se termine cette tentative de traduction. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.